Una vegada més, i a través d'aquesta sintonia, escolteu Hola la Music. Un programa presentat i dirigit per Rafael Corbí. Música en francès. Genial, doncs, la música que en el programa d'avui volem portar-vos. Espero que sigui del vostre grat. És Hola la Music, la música, el programa de música en francès que us presenta, que us porta Rafael Corbí. Avui comencem des del 1999 i amb una formació que el nostre company, col·laborador a la primera temporada d'aquest espai de Hola la Music, en Cyril Torres, ens va recomanar diverses vegades. Bisson à Bisson és el grup, Racines és el títol de l'àlbum d'aquest any 99, i escoltem alguna de les cançons, com aquest Après la guerre, que ens portava al costat d'Ismael Lo. Et le jour chasse le crépuscule, les coups de feu ont rythmé mes nuits blanches, un drame noir, le glaive tranche au loin mon drapeau flanche. Je marche seul entre les flammes, hier la poudre a sévi, la mort a pris les miens et moi je souffre d'être encore en vie. La guerre a arraché le sourire au môme, j'enjambe les corps dans ma ville fantôme, une arme serrée dans la paume. Vision gauche martesque, une fresque peinte avec du sang, on est presque à la fin, je me sens mal ou presque. Je ressens plus de douleur que de la rage, la pluie d'honneur, le bonheur s'évesquit comme un voleur, ici l'orage. Pour de l'or noir, c'est triste frère, où est le Christ? Ça sent le souffle, ici l'enfer, le mal insiste. J'ai plus de toi, moi c'est tout ce que j'ai froid, sous le soleil je broie du noir, le crâne assiégé. Je me demande qu'est-ce qu'on fout après la guerre, le bilan est lourd, et seul le diable appelle ça de l'amour. S'achant, ils détruisent tout. Puis la mort pleure doucement dans le cou du vent doux. Qui a dit qu'il fallait jouer au plus fou, au plus violent, au plus ripou? Pour voir à ses besoins, besoin de mettre ses craintes. Qu'ils comprennent que la guerre n'est pas faite pour tuer mais pour vaincre. J'observe tous, se sentent perdus, tous se lamentent. Mais éternellement souffrant et souffrante d'un mal commun, d'un même sale destin. Qui leur fait changer le plus utile pour le plus vain. Pas de vaccin, pas de remède pour ce chagrin. Chacun a qu'un cœur, mais tous n'ont plus de gagne. Assis dans la désolation, mon royaume intact, doucement mon trône, les chairs pourries, ma couronne, un cercle d'excréments. Des flaques de vin sur le sol où les ivrognes sont couchés pour longtemps. Trop longtemps. Amère, ose, dépose, expose, pose une rose, gorgée à terre. Pour les frères que la guerre m'a enlevé, les douilles ont souillé le sol de mes ancêtres, le point levé. Je reste et ne je pardonne plus, j'ai la rage, mon gage à ne plus compter des fêtes de perte. J'ai ça ou ça, je crève, mon stylo pleure sur ma feuille fanée. Mes phrases n'ont plus de sens, comme voir un enfant à terre crâné. Putain, les necks se tirent encore dessus, c'est trop bon, Afrique troquée, trop fond. Sans plan de ne rien voir au fond du gouffre, on souffre et ce n'est pas encore fini. Je prie pour les vies, compris les hommes cruels sont chippies. Et puis, à eux seuls tout un peuple, à eux seuls c'est fou. Sous le soleil de Satan, tout est orage et clair partout. Le chant du bourreau résonne et étouffe les prières. Comment peut-on encore me parler de vainqueur après la guerre? Thank you. Una excel·lent informació, Vissona a Vissó, amb llengua lingala, vol dir entre nosaltres. Ens arribaven, vaja, entre el Congo i París, amb el hip-hop, la rumba, el souk i el sukus com a músiques característiques. Són un col·lectiu de rappers i cantants amb orígens a Congo-Brazzaville, format el 1999, amb Ben Jota, Lino i Calvo, de diferents formacions que ens arribaven, Doc i Jekyll, Mystic, l'única noia, en Passi, que també va ser posada conjuntament amb el rapper Passi, i altres membres d'aquesta banda. Aquest va ser el seu primer àlbum, aquest àlbum, amb aquesta paraula, de cines, que vol dir arrels, amb llengua francesa. Per tant, nosaltres avui estem escoltant música d'aquesta formació. De diferents estils musicals, també combinaven el francès amb les seves cançons, amb l'anglès i les seves llengües nadives. Llegendes africanes és el títol d'una altra de les cançons d'aquest àlbum de Vissona Vissó. M'efforça en vain de croire aux détails fantastiques accumulés autour des événements qui en principe survinrent. Et je suis sûr que des explications rationnelles existent. Mais cette saga mythique m'a été racontée de façon si vivante qu'encore une fois, je me sens obligé de la noter ici. Mais sachez que si vous croyez au pouvoir matériel de la pensée, le présent épisode vous donnera sûrement des sueurs froides. Comme le racontent les vieux sorciers, les sages, les conteurs du village, la forêt est un lieu sacré, mythique, d'où se dégagent des forces surnaturelles, des cryptes dans du ciel, des esprits immortels, des silhouettes, des chevaux avec des ailes. Elle t'appelle, mais surtout ne te retourne pas, gare à toi, ne réponds pas, sinon bonjour à l'au-delà. Le démon tourne autour de nous comme un vautour. Nec marron en fuite, et quel sorcier viendra à mon secours? Connais-tu l'histoire du sorcier Wandou? Sa légende devient d'où? Hindou, de père vautour, puissant marabout. Je partout, le monde me connaît dans tous les villages, dans tout. Autour, sous l'eau, j'ai tous les esprits dans les mains. Je suis le grand chemin, le début du commencement, le commencement de la fin. Je suis le grand lion de la brousse unique, le conseiller des requins. La prophétie était en marche. Je sens les forces du mal. Nous consulterons Nandou, membre de la tribu des Nzouza. Dans ses mystères, il en sait plus que la plus ancienne et la meilleure Zizankoma. La prophétie était en marche. Je sens les forces du mal. Consulterons Nandou, membre de la tribu des Nzouza. Ces mystères, il en sait plus que la plus ancienne et la meilleure de nos Zizankoma. Sorcière, reine des mers, sévère sirène de l'écume. Amertume, malheur de mer, un homme meurt à la mer. Esprit hanté, marié au vent et marée, sacrifice de père-mère. Elle n'épargnera pas ton fils, hisse ta bannière de toute manière. L'Afrique, aux Bermudes, du nord au sud, similitude. Ceux qui l'ont vu sont pas revenus, m'élite. Légende sacrée, baignade interdite. Les soirs sauvages d'Afrique fichent le camp de la criche. Wamana Kumalao qui doit t'aider de Talakani. Wobalao Kingebeni. Taki Jaki Jimmy Muno dans jeu qui béni. Au pays, Abanchini Mangazenao. Sors mon miaou. Ndombindo Kikundu. Mal fétiche. Le Tchukurukundu. Le Sibi Champangala. Coup de tête, Tumpangala. Pire. Les gens qui rentrent dans ta tête font du verre. Mouzambire. Madungu. Tu finis dans leur Ndungu. Le Karakara monte, te craque, te bouffe jusqu'au Madungu. La prophétie était en marche. Je sens les forces du mal. Consulterons Nandou, monte la tribu des Nzouza. Dans ses mystères, il en sait plus que la plus ancienne et la meilleure de nos Zizankoma. La prophétie était en marche. Je sens les forces du mal. Consulterons Nandou, membre de la tribu des Nzouza. Dans ses mystères, il en sait plus que la plus ancienne et la meilleure de nos Zizankoma. J'étais en train de croiser mon pandou, bien saucé ce mandou. Quand je vois mon zinco, je lui fais ouf, puis sors d'où. Il me dit, je viens de consulter le sorcier Wandou. Sourire jusqu'aux sourcils, il dit que la vie est belle, femelle. Costard et ses fins, gros W, sous ses semelles. Zouzou, c'est quoi ton bise? Moi aussi, faut que je base cette vite nasse. Qu'on se le dit, je mets plein gaz vers la case du sorcier. Brise les tabous et tombe en pleine forêt du Mayon. Ça fait l'effet d'une bombe à sortir les morts de leur trompe. J'ai entendu crier mon blast comme on me l'avait prédit. Je décale pas moyen que je me retourne comme Benji me l'avait dit. Je longe le fleuve et là, le champ des mamies Watt à ma frate. J'en perds une sapate et fini ma course à quatre pattes. La brousse mat. Mes mouvements, elle me fout la frousse. Craquement et mystère, le mal à mes trousses. Je pousse plus loin, pousse. Arrive chez l'ancien, je frappe, rentre et quand je ressors, je suis bien. Le monde est mien et mon fric, c'est le sien. L'Afrique, c'est ça, c'est comme ça, tu doutes de ça. C'est comme dire à un marmot que le Père Noël n'existe pas. La prophétie était en marche, et rien désormais ne la détournerait de son chemin. Consulterons Nandou, membre de la tribu des Nzouza. Dans ses mystères, il en sait plus que la plus ancienne et la meilleure de nos Zizankoma. Pour que ceux qui avaient été prédits s'accomplissent un jour. Et ses pouvoirs surnaturels, hautement inventés par tous ceux que j'interrogeais. Sans les forces du mal. Allons, voyons, Finn. Vous êtes trop intelligent pour attacher le moindre crédit à ces histoires à dormir debout. Thank you.

Braza, Paris. Les hypothèses, je suis bloqué. Là-bas, ici, toujours le même qui va te croquer. Le cul entre deux chaises, l'exil presse mon pas. Vers les airs, on se dirige nos pas. Plus de 10 piges que je danse, que je fais la teuf, que je traîne. Qu'on me motive, qu'on m'ambiance sans cesse, donc je m'entraîne. Ouais. À me concentrer pour ne pas lâcher prise. Gâcher ma vie dans ces environs peuplés du gîner d'entreprise. Plus de 10 piges que je sombre, les œufs posés sur le ciment à toiser le ciel. Un sentiment amer, les bâtiments me font de l'ombre. Ici, je suis nul pareil ailleurs. Y'a rien qui m'aille, la haine nous unit. Tenu en laisse comme nos Star Wars Shire. Je m'engouffre dans un gouffre, au nombre sont ceux qui souffrent. Ce sont des baffes que mes frères bouffent, la chamba devient leur bouffe. Quotidiennement dans la perdition, ils se bouffent. Entre, c'est un choix à prendre. Ici. Non, là-bas pour moi c'est mieux. Ouais. Je désire si Dieu veut finir. Mes jours au bled me tirent après avoir pris tout ce que je peux. Je n'ai plus besoin d'aide. Plus besoin d'aide, tu le sais. Moins des coups de traquement. Mes nègres expulsés. On rêve de succès. T'es haussé. Lino, maintenant t'es fixé. On cause de retour au pays et vu que c'est la merde ici, nous on s'y fixait. Là-bas qu'on vieillira. À moitié à poil avec les miens, on s'en sortira. Bisson à bisson entre nous, tu le sais déjà. Braza, Paris. Les dépôtés, je suis bloqué. Là-bas, ici. Toujours le même qui va te crouler. Le cul entre deux chaises. L'exil presse. Mon pas, tu le sais. Vers les airs, on se dirige nos pas. Braza, Paris. Les deux côtés, je suis bloqué. Là-bas, ici. Toujours le même qui va te croquer. Le cul entre deux chaises. L'exil presse mon pas. Tu le sais. Vers les airs, on se dirige nos pas. Après la guerre, vous comptez faire quoi? Mes yeux blindés de pourquoi? Cessez le feu, les gens ont trop souffert. Vers quelle terre vont se diriger mes pas? Peut-être en France partir en aventure. Tenter ma chance arrive pas. Là-bas, je mangerai des glaces max. Fini les chocobis, les tangawis. J'abandonne mes wax. J'aurai de la sape, ça plaire au bruit du monde ailé. Autour à ma kélé-kélé, autour de moi y'aura des purs. Vous aimez. Partir pour l'Occident est devenu une obsession. Vivre au pays du blanc reste ma seule motivation. Ici, je perds les miens qui disparaissent. Je ne souhaite pas être le prochain, je vais loin pour un meilleur lendemain. Faut que je m'en aille, le quotidien m'y oblige. Ici, tu n'es personne. À en oublier qui je suis frustré par un sale entourage. Depuis mon plus jeune âge, je nage dans cette misère qui pousse à fuir l'engrenage. En plus, ici ça ne fait que goguer. Je veux autre chose, je vais croquer mes CFA. Voir des faves, c'est la France que je vais toquer. J'irai la croquer à plein dents, mon désir ardent. Être en mesure de foutre le camp peu de temps. Braza, Paris, là-bas, ici. Toujours le même qui va te croquer. Le cul entre deux chaises. L'exil presse mon pas. Tu le sais. Vers les airs, on se dirige nos pas. Braza, Paris. Là-bas, ici, toujours le même qui va te croquer. Le cul entre deux chaises. L'exil presse mon pas. Tu le sais. Vers les airs, on se dirige nos pas. Je ne sais plus où mourir. Où pourrir. Effacer mon sourire. Souffrir dans mon demi. Ou lâcher en France mon dernier soupir. Souffrir du mal qu'il y a ici, ici ou là-bas, c'est pareil. Ici, on suit le mal, poursuit son œuvre, là-bas, le diable veille. Braza, Paris. Des deux côtés, je suis bloqué. Là-bas, ici, le feu est en train de croquer. Choqué. Maintenant je sais qui tient les rênes. Droite, gauche, j'ai l'impasse, quel que soit le choix. J'ai même pas le droit, non. Je n'ai pas le droit de choisir. À notre époque, la vie n'offre même plus de plaisir. La guerre a rosé mon pays, posé d'ennemis pillés. La fierté de tout un peuple a été mise à sacrer. Ami, ennemi, où vais je suis où poser mon corps. Et je tors, je ne sais plus par où la mort me poursuit encore. Là-bas il fait chaud. Ici il fait froid, le cul fixé entre deux chaises. C'est chaud, le bisson tire dans le tas. Ici les regards sont froids, là-bas y'a la foi et la joie. Et à chaque fois y'a du foufou, même s'il y a pas de CFA. Là-bas l'or noir dirige le pays et l'état. Ici on contrôle l'état, le vent d'état et les coups d'état. Là-bas mon toit n'est pas à moi, donc le monde est à moi. On devrait cramer tous ceux qui me disent vas-y rentre chez toi. Braza, Paris, les deux côtés je suis bloqué. Là-bas, ici, toujours le même qui va te croquer. Le cul entre deux chaises, l'exil presse mon pas. Tu le sais. Vers les airs on se dirige nos pas. Braza, Paris, les deux côtés je suis bloqué. Là-bas, ici, toujours le même qui va te croquer. Le cul entre deux chaises, l'exil presse mon pas. Tu le sais. Vers les airs on se dirige nos pas. Braza, Paris, les deux côtés je suis bloqué. Là-bas, ici, toujours le même qui va te croquer. Le cul entre deux chaises, l'exil presse mon pas. Tu le sais. Vers les airs on se dirige nos pas. Braza, Paris, les deux côtés je suis bloqué. Là-bas, ici, toujours le même qui va te croquer. Le cul entre deux chaises, l'exil presse mon pas. Tu le sais. Vers les airs on se dirige nos pas. Nos pas. Esteu escoltant Hola la Music, el programa de música francesa presentat per Rafael Corbí. C'est une chanson, ça n'engage que nos prénoms. Dans mes graves articulés, c'est ce que je me dis quand je termine ce couplet. Je sais que t'as dit non, frayé par mes façons, mais quand même cette chanson est une pensée, moi qui sais te trouver. Tout vient par grand froid de ta bouche lavée. C'est comme si ce n'est, tu me mets plus fort, baby. C'est comme si ce n'est, tu me mets encore. C'est comme si ce n'est, tu peux presque le replacer. Je me dis quand je pars en morceaux, tu ne sais pas me regarder. Et ma voix de chevalier rend justice à ma beauté. Plus douce et tranchante quand je me raconte. Ma langue est le seul corps qui vraiment compte. C'est comme si on se met. Aquesta música que heu escoltat després dels Bichon Avisors és Christine and the Queens. Ens van acompanyar temps enrere en un dels nostres programes i avui tornaran i ho faran a través d'un doble àlbum que es deia Chris, publicat a 2018, un àlbum amb una primera part absolutament tot en francès, una segona en la qual la música era en francès, anglès i francès, el que han combinat també sempre aquesta formació. Christine and the Queens és el nom de Héloïse Letissier, nascuda l'1 de juny de 1988 a Nantes, coneguda com Christine and the Queens, o simplement Chris, cantant, compositora i productora, que treballa des del 2012 amb el segell independent Because Music. Va debutar el 2014 amb l'àlbum anomenat Calor Humana, que va ser un dels àlbums de l'any, a través de Guardian, d'Independent i molts d'altres. I el seu segon àlbum va ser Chris, aquest realitzat el 21 de setembre de 2018, que avui escoltem també a través del nostre programa. Entre mig, un munt d'extended plays que han publicat al llarg de tota aquesta trajectòria. Cançons cantades en francès, cantades en anglès, les versions de totes, que podem escoltar també a través del nostre programa. I senzills, com per exemple aquest, Dame, Dis-moi, que amb la companyia de Damn Funk arribava al número 21 Bèlgica, número 61 França, una cançó també que podem escoltar a Hola la Music. Chris. La nique, les mains dans le blouson. Tout mon corps me pique, c'est la salaison. Quand ils l'ont de leurs bras, elles rient de bonté. Tic tic tac, ça semble écrit sur le papier. Ma tristesse infectera ma mâchoire. Plus je convoite et moins je suis belle à voir. C'est comme un merle, la fille que tu crois retenir. T'appuies au hasard pour la faire jouir. Que faire de l'énergie que je perds quand je te veux? T'aimes, dis-moi comment mieux. Que faire de l'énergie que je perds quand je te veux? Ramène sa montée sur. Dans le noyau des villes, ils m'interpellent depuis leur cachume. T'es qui de la monnaie pas défendue. Revenu au matin pleine de sueur. Mon corps mentit entre les bras du passeur. Accroupi, laissé toute l'âme tragique. T'es qui pour me traiter toi? Que faire? Les gens sourient de peur que ma maladie te porte.

j'aimerais tout recommencer. Je me sens nu, même tout habillé. Tu te retournes et moi je disparais. Un àlbum, aquest que ens recomanava avui l'Àngel Rodríguez, que ben aviat també repassarem amb el nostre espai i us portarem la música que ens conduïa aquest excel·lent personatge, aquest Patrick Bruel, amb el seu 8è àlbum, com ens comentava l'amic Àngel, aquest Tout Recommencer, que ens portava de l'àlbum Sessuà un Sol, publicat el 2018. Nascut a Argèlia, el 1959, un altre dels cantants i actors que abans volia ser futbolista, seguint a Michel Sardou, es va convertir en cantant. Gràcies, Àngel, per aquesta col·laboració. Marxem a Perpinyà, ja a la recta final del nostre programa, per escoltar un artista que és un cantautor, de fet, nascut el 1979, l'11 d'agost, de Pinet-sur-Seine, d'arrels catalanes, de Perpinyà, un bon estil molt influenciat per la cultura gitana i de la nova onada de fusió intercultural i de llengües minoritàries, que va debutar l'any 2006 amb l'àlbum Gitan de Panamé i que després n'ha publicat diversos més. Avui fem un resum de la seva música i ho fem aquí a Olala Music. Ell es diu Balbino Medellín. Paris. Aquesta era la cançó que donava nom al seu primer àlbum, aquest Gitan de Panamà, i el següent títol, la següent cançó, és el que donava nom al seu àlbum, al seu segon àlbum, de Balbino Medellín. Ja heu sentit les influències clarament de les cultures catalana, espanyola i francesa que té amb la seva música. Del seu segon àlbum, del 2008. L'ouvrier se lève sans se plaindre. Dehors la première benne n'est pas encore partie. Quelques rêves encore qui colorent cette étreinte avant le corps à corps où chaque heure a un prix. Leurs caresses se mêlent sur la joue d'une femme qu'ils trouvent encore belle. Après les drames, ils voient dans son sommeil les jours heureux. Ils savent qu'elle s'en rappelle quand elle ouvre les yeux. Elle est passée, la nuit trop brève. Dans les cœurs c'est la grève. Il n'y a plus de printemps, ils attendent la relève. Ouais, le soleil et l'ouvrier, ils sont les deux derniers camarades à voir au coin des rues les barricades et du temps pour s'aimer. C'est le soleil et l'ouvrier. On en construit des chemins. Et même dans leur sommeil, ils soulèvent des parpaings. Ils gardent un morceau de cuir au creux des mains. Ils rêvent d'un voyage, un voyage sans fin. Quand le marchand de sable ne vend plus que des graviers, les paupières en balade laissent prendre le ciment. Là où il y a un nom et un cœur de gravé par la branche anonyme qui scelle les serments. Et elle s'est perdue dans la nuit la fièvre. Dans les cœurs c'est la grève. Il n'y a plus de printemps, ils attendent la relève. Ouais, le soleil et l'ouvrier, ils sont les deux derniers camarades à voir au coin des rues les barricades et du temps pour s'aimer. C'est le soleil et l'ouvrier. Pour l'un, le MEDEF pour son frère. Il lèvera le poing, mais finira sous terre. À diluer dans la sueur ses venins prolétaires. À diluer dans la sueur ses venins prolétaires. Et elle s'est perdue dans la nuit la fièvre. Dans les cœurs c'est la grève. Il n'y a plus de printemps, que du sable et des prières. Dans le sommeil des ouvriers. À l'heure du premier bus, de camarades vont encore au coin des rues, des barricades et du temps pour rêver. C'est le soleil et l'ouvrier. Nous sommes des sauvages modernes sur les routes de France, avec un captard à l'ancienne, un chien qui s'en balance comme la pluie, qui gifle encore les flancs de notre caravelle. Nous partons aussi loin que tu es belle. Oh, oh, oh, oh, oh. Nous sommes des sauvages modernes à l'assaut des péages, loin des travaux à la chaîne et des souris qu'on gaze devant les vitrines. Construisons notre pavillon sur les parkings, sans balançoire et sans gosse qui se noie dans les piscines. Oh, oh, oh, oh, oh. Sauvage, moderne, citoyen, placebo, sauvage, moderne, fantassant son drapeau. Sauvage, moderne, au rancard des alliances. Sauvage, nos rêves sont notre dernière chance. Nous sommes des sauvages modernes, bruts et sans bagages. Des vikings sans drakkar, pas vaccinés contre la rage. La seule promesse en laquelle on croit, c'est le temps qui passe. Parano comme des roumains qui dorment dans un palace. Sauvage, moderne, citoyen, placebo. Sauvage, moderne, fantassin sans drapeau. Sauvage, moderne, au rancard des alliances. Sauvage, nos rêves sont notre dernière chance. Nous casserons les chemins, tous leurs terrains glissants deviendront l'autoroute. Nous vivrons sans butin, notre seul placement sera la déroute. Nous sommes des sauvages modernes et la proie des gendarmes. On a l'angoisse des ronds-points, nos plaques on le vague à l'âme. Nous sommes les martyrs des radars, des alarmes et des portiques. Nous cherchons encore l'autoroute vers l'Amérique. Oh, oh, oh, oh. Sauvage, moderne, citoyen, placebo. Sauvage, moderne, fantassin sans drapeau. Sauvage, moderne, au rancard des alliances. Sauvage, nos rêves sont notre dernière chance. Bé, doncs, anirem finalitzant el nostre programa d'aquesta setmana. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, un Balbino Medellín que, a part d'aquests dos àlbums que us comentàvem, va editar també dos àlbums més, a l'Ancien el 2014, Evangelio Sauvage el 2011. Aquests àlbums són els que ens han portat avui la seva música, a més d'haver cantat l'himne català, l'Estaca, recordem, amb duo amb Cali. És un intèrpret que ens ha acompanyat de cançó francesa, de rock, més rocker amb els seus darrers àlbums, i d'aquesta rumba acompanyat de la guitarra. Avui hem escoltat Avisó en Avisó, Christina and the Queens, i a la col·laboració de l'Àngel amb Patrick Bruel i Balbino Medellín com a últim protagonista. Quan tenia 15 anys, salutacions de Rafael Corbí fa massa temps i ja no me'n recordo. A reveure. Je matais les timbres sur les boulevards périphériques. Ça me rendait fou, ça me rendait dingue. J'avais que des balles dans mon slip. Alors je les regardais mine de rien. Je passais près d'elle. Elle me faisait des petits signes de la main. Et moi je les trouvais belles. Quand j'avais 15 ans, je matais les tapins sur les boulevards périphériques. Et j'avais que des balles dans mon slip. Et un soir, il y en a une qui m'a dit: allez viens, t'es gars, allez viens, arrête de mater, j'suis pas là pour ça. Elle m'a ramené, moi et ma trique, dans son plumard un peu magique. Elle m'a fait voir l'Amérique. J'avais 15 ans, je matais les timbres, boulevard net, porte de Clignancourt. Ça m'en rendait fou, ça m'en rendait sourd. J'enfant la bite de sans l'amour. Y'avait toutes les couleurs, des canons, des caves, des camés, des kamikazes et des piercés. Et même des petites mères du quartier. Quand j'avais 15 ans, je matais les tapins sur les boulevards périphériques. Et j'avais que des balles dans mon slip. Et un soir, y'en a une qui m'a dit: allez viens, petit gars, allez viens, arrête de mater, j'suis pas là pour ça. Elle m'a ramené, moi et ma trique, dans son plumard un peu magique. Elle m'a fait voir l'Amérique. plus 15 ans, je bats plus les tapins. J'ai un mec bien sous tout rapport. J'ai une femme, un taf et un chien. Et c'est près d'elle que je m'endors. Même si je repasse sur les boulevards, ce sera plus jamais la première fois. Y'aura toujours un petit crevard qui marche tout seul sur son trottoir et qui a que 10 balles dans son slip. Et un soir y'en aura une qui lui dira: allez viens, arrête de mater, viens mon petit gars. Elle amènera lui et sa trique dans son plumard un peu magique. Vous avez vu l'Amérique. Et un soir y'en aura une qui lui dira: allez viens mon petit gars. Elle amènera lui et sa trique dans ce plumard un peu magique. Et il verra l'Amérique.